J'ai perdu la voix. What's made so wanted to téléphone. Song. Thank you.

Moi, c'est tout décalé, moi, ma batterie. Putain, c'est décalé.